Excellente soirée à toutes et à tous. Ici quelques secondes, vous retrouvez Manu et Dan pour l'émission Deep Line. C'est en direct et ce sera juste après ce petit souvenir, justement spécialement dédié à Philippe Dont. Bien sûr, il y a de la bière en plus d'ici de la radio. Manu et Dan, moins une minute. Jumper. Bon, Manu un peu moins, lui jump, mais c'est cérébral quoi, dans sa tête quoi. Dan et Manu, un style complètement opposé le week-end. L'un opère, c'est Manu qui opère à la Goa, l'autre au Club Med, et finalement ils se réunissent et dans un élan incroyable forment un petit peu une sorte de cocon qu'on retrouve chaque lundi sur Galaxy comme une belle histoire d'amour. Dan et Manu, c'est mieux que, bon, tu sais, il y a les amours de vacances parfois qui s'éteignent après le coucher de soleil, après sur l'autoroute, mais là non, ça continue toujours unis l'un l'autre. Bob et Bobette, comme deux coulommiers qu'on aurait laissé traîner sur une étagère. Un grand moment, Dan et Manu, tout de suite, ce sont des stars et nous, on les aime, on les adore parce qu'ils sont sûrs. Eh ouais, bon début de soirée, Dan et Manu. Dan et Manu, bien sûr, c'était aussi ça, souvenez-vous. Ils se sont rencontrés il y a des années, ils mixent ensemble depuis 6 mois, ils se sont mariés ça. Dan et Manu pour 120 minutes, puis bon, vous dit au revoir, passez une bonne soirée. Dan et Manu à Clef tous les lundis soir, en platine et tout, hein. Des platines qui marchent, 21h. Dan et Manu, jusqu'à 23h, on se retrouve juste après bien sûr pour la suite avec de la 3h minuit bien sûr. On vous souhaite de passer une excellente soirée. N'oubliez pas le répondeur de Galaxy, le 0870 245. Ce sera les meilleurs de vos messages. Ce sera cette semaine. Tout au long, c'est bien sûr Manu et Dan pour l'émission Deep Line. On vous souhaite de passer une excellente soirée à toutes sur Galaxy. Radio Galaxy. This is Sheba Girls, and we're gonna talk about a girls' night out. Right, girls? Yeah. Okay, you hear my girlfriends, don't you? We're gonna talk about the rules of having fun. Okay? Let's read them, girls. Let me get my backup session. Get out here. Mm-hmm. Okay, let's take them to church, girls. Let's rock this party. We're gonna take it first from the club. We're walking in, and then we'll go from there. Let's go. We're gonna go in, we're gonna hump it. Are we gonna hump it, girls? Are we gonna pump it? And we gonna find us a man tonight. Yeah. Help me. I can help you. I'm here to come in the club with me and my girlfriends. You ready to go, girls? Let's go. Get out the way, child. I think I want. Okay, I think I'll have a Negroni. Girls, what do you want? Negroni, girls. Okay, well, I'll get you one, too, then, girl. Okay, then. All right, then. $10. Put it on the bill. Marie number three. She would tell her put that one song on, girl. What song, girl? That's the last thing that DJ wanna hear is a damn request, child. He ain't no jukebox. Child, please. Let's just have some fun. Bye-bye now. Number four. Girl, did you see that man over there? Girl, he's with his fish piece, honey. Miss Fish Piece, child, I know that you know that she know that everybody know the tea. Get it, girl. All right. Shiva's read number five. Girl, there go that man again. Girl, they want you with your southern country ass. Mistake. Parlez-vous français? Habla español. Parle italiano. Mistake, I'm not country. I'm from the countries. Final read. Girl, I got the piece, girl. What fish piece is talking about, honey? Child, I'm talking about the fish piece's piece, girl. The jaguar is waiting outside. No, girl. Yes, girl, I am. together as brothers. I have a dream. Because people want to be free. One day in this land, the words of Amos will become real. Justice will roll down like waters, and righteousness like mighty streams. I have a dream this evening that one day we will recognize the words of Jefferson that all men are created equal. They are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. I have a dream, the dream, the dream, the dream, the dream, the dream. Because people want to be free, free, free, free, free. We'll be right back. I got to know. Manu et Dan au travers de la Deep Line.

Dan au travers de la Deep Line.

Dan au travers de la Deep Line. We'll be right back.

Galaxy avec l'ancien Junior Vasquez sur le label Tribal America. C'était orchestré bien sûr par Manu et Dan pour l'émission Deep Line avec bien sûr beaucoup d'invités ici dans les studios de la radio. Je crois qu'on peut leur faire une ovation, hein? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi je suis tout à fait d'accord. Allez! Ouais, bravo! Plus fort, j'entends rien. Allez! Bon, ça va comme ça? Oui, très bien. Bon, écoute, Manu et Dan, donc, pour l'émission Deep Line, ils sont dans les couloirs, ils veulent pas trop se montrer, c'est normal, hein, c'est le direct après tout, hein. Ils sont là, non? On peut pas les choper vite fait, non? Ils peuvent venir faire un coup de speak avec nous, il y a aucun souci, hein. Ouais? Ouais, bien sûr. Bon, on va se retrouver d'ici quelques petites secondes, juste après ce court message, et puis après, on vous promet plein de bonnes choses. Galaxy in the world, partout dans le monde. Hey, this is Ken Spector from Los Angeles, California, and I produce As Lens. I listen to Radio Galaxy on the web. Bonjour à tous, ici Mikas de Progressive Blues Record. Je suis maintenant au Canada et j'écoute Galaxy sur le net. Hi, it's Nicola Gala from Perasma, String to Harmony. I live in Greece and now I can listen Radio Galaxy 95.3 FM on the web. That's great.